travers à ma gueule. Ça squatte. Qui vivra verra et qui vivra paiera. La squale est pas aux confiances qu'en Bendejo. Chez les affranchir, j'ai vu les affranchis. Comme nous nageons un souci et soucieux pour le futur. Pour l'instant, c'est la hure. Sur Pigal, je vends de la pure. Je crache la purée, c'est salé, ça va aller. Là, son gringo la pêche, je te jure qu'il me fait de la peine. Une chaîne à couche de choix et couche avec un chien. Tu vas pas nous la faire, nous la mettre à l'envers. Et en vérité, depuis tout petit, je suis armé. La vraie vérité, c'est que je compte pas m'arrêter. Y'a pas de juste milieu, je veux péter le million. Y'a pas de sous-métier, j'ai vu ça comme un taré. J'étais toujours paré, toujours chargé sur paré. Toi, t'as jamais bougé, t'as trop juste le parrain. Je suis pas parrainé, il rêverait de me freiner. Arrête, non, moi sur le terrain j'ai fané, chacal c'est pas marrant, le dépôt les arrivants, la squale vient d'arriver et je compte pas chavirer. Je te tire mon chapeau, Pancani va te blesser. La rue c'est blason, une balance, un lieutenant. Indirectement, t'en as déjà tête pour deux ans. Elle est belle, l'amitié, ça trahit sans pitié, sans piston. Et Pedron, moi il va y arriver. Son baveux, c'est un commis, il en a commis des délits. Il est pas délicat, ma game, il aime la garba. Et moi avec les femmes, et j'ai pas des dadames sur le dame, et gros, j'avance et j'annonce échec et mat. Maintenant c'est Mito qui parle de vendre la coco. Ouais, sous les cocotiers, la squale il veut sa villa. Je suis un sacré vilain, t'auras qu'à dire que je fais le malin. Arrête les mignons, Mister Duke va te crosser à ce qu'il faut à la maison. Pour les faire paniquer, c'est pas aujourd'hui que je vais baisser mon caleçon. T'es con ou t'es con, ouais, arrête, fais cogner. Le passeport est vert, j'ai sans chaud, je suis une galère. Je connais pas le vertige, je veux monter au sommet. Je suis pas la sommairement, je vous dis ça humblement. Tu sais, j'ai très peu d'amis, ouais, j'ai très peu d'amis. Et je pèterai la clico quand Zozo sera sorti.